le balas sombri chante la rivière. À l'heure où les clochers barbares de l'ingénu, lorsque le laboureur récite sa prière et demande au bon Dieu d'être de ses élus. Elle a lavé ses pieds au cristal des fontaines, baigné ses longs cheveux au miroir de leurs eaux, rempli de fleurs des champs son tablier de futaine, et de cerises d'or son panier de roseaux. Que se passe-t-il donc? Pourquoi cet air de fête? À quel regard sont bons ces présents de mer? Et pourquoi dans les blés sans détourner la tête? À grands pas la lison parcourt le sentier frais. Les filles ont pâli en la voyant si belle, sachant bien que jamais elle ne les galerait. Les garçons l'ont suivi pris d'une ardeur nouvelle, certains que dans les chambres il la renverserait. Mais la douce lison dans la petite église soudain a disparu et tout aussitôt prié. Après avoir offert cette chose promise, les cerises à Jésus et les roses à Marie.